C'est la merde, c'est la merde. 2006 c'est la merde, 2007 c'est la zizanie. Comme le massacre des moines bouddhistes en Birmanie. 2008 la récompense de la non-violence. Un coup de matraque dans les dents, la répression pour faire de l'ancien. Au bal du chétan, soit t'es mort, soit tu danses. Je préfère mourir plus fier, entrer dans vos confidences. Y'a pas de coïncidence, tout est écrit. Bientôt on regrettera le jour où tout est écrit. Car les choses n'iront pas en s'arrangeant. Aussi vrai que ce qui fait tourner le monde, c'est l'argent. On baise monsieur l'agent, du képi à la jambe. Ces fils de pute écrasent des gosses, du guidon à la jante. Un kiff à la commande, serait de les voir à l'amende. Façon qu'on mange, je marrant devant un thé à l'amande. Car c'est ce qu'ils font devant leurs infos. Une bibine à la main disant c'est bien fait.